midi 55 minutes. Jean Bosco, Douiman. François Kimana sur la mise en onde de ce journal. Nous sommes le 14 novembre 2016. Voici les grands titres de cette édition. Criminalité, trois personnes ont été tuées ce week-end à des endroits différents et dans des circonstances variées. À Bobanza, c'est un homme qui a été tué par son frère. À Karuzi, une femme a été tuée par son mari. Et à Chivito, qui s'est envié, qui a été décapité par des inconnus. Une trentaine d'enseignants de la direction provinciale de Bururi ne sont pas reconnus par le ministère de l'Éducation nationale après 2 ans de service. Leur dossier administratif aurait tardé à parvenir à l'administration centrale du ministère. Et dans la chronique sportive, comme tous les lundis, nous parlerons du football avec l'équipe nationale des Inhamba Murugamba qui connaît de sérieux problèmes dans son attaque alors qu'elle se prépare pour la CECAFA 2016 entre les équipes nationales des pays de l'Afrique de l'Est. Ce dimanche, lors d'un match d'entraînement, les Inhamba ont égalisé avec Aigle Noir de Makamba sur un score de parité, 0-0. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le développement de ces titres et d'autres nouvelles. Un sexagénaire a été décapité hier soir sur la colline Mikoni de la commune Wukinanyana, province de Chibitoke. Ce vieillard du nom de Casimir Nivagirigwa serait victime de conflits fonciers selon des témoins sur place. Le défunt avait échappé à la mort il y a un mois après avoir été touché par des balles lui tirées dessus par des inconnus qui l'accusaient de sorcellerie selon toujours des témoins sur place. La recrudescence des assassinats liés aux conflits fonciers en province Chibitoke inquiète les défenseurs des droits de l'homme. C'est au moment où 2 autres personnes ont été tuées au cours du dernier week-end pour le même motif dans les communes Mugina et Murgui. Et un certain Nyabenda Syriac de la colline Namba, commune Musigati de la province Bubanza, a été tué à la machette dans la nuit de ce samedi. L'auteur du crime, qui est son propre frère, s'est directement rendu chez le chef de zone, craignant la colère des voisins. Les témoins sur place soupçonnent des conflits fonciers, ce qui n'est pas confirmé par l'administration et la police. Correspondance de Space Caritas Cavagnana. Yandou Syriac venait d'un ménage voisin à la recherche du feu et arrivait à mi-chemin. Il a constaté que son frère, Nyabenda Boniface, s'était caché à côté du chemin dans une bananeraie avec une machette. Il a sauté sur son petit frère et il a grièvement blessé à plusieurs coups sur la tête. La victime a succombé sur place. Fuyant la colère de la famille et des voisins, l'auteur du crime s'est directement rendu chez le chef de zone, Namba, disant qu'il venait de tuer une personne. Et cet administratif l'a remis à la police ce dimanche. Il a été transféré au cachot de police à Bubanza. Et les sources en provenance du parquet disent que le tribunal de grande instance de Bubanza va se lundi siéger pour le cas de flagrance afin de sanctionner le coupable conformément à la loi. Les voisins de cette famille à Namba parlent des conflits fonciers, mais l'administrateur de la commune Musigati indique qu'il n'y avait aucune mésentente à propos des propriétés familiales de ces personnes selon les enquêtes qu'il a déjà faites. Douayo Jean Bosco, administrateur de Musigati, ajoute que ces 2 hommes n'étaient pas en bon terme, qu'ils se chamaillaient souvent. Des sources policières disent la même chose, mais la cause de cette incompréhension de ces 2 hommes n'est pas encore connue. C'est Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Space. Je vous l'avais dit également dans les titres, un homme a tué sa femme sur la colline Ruyaga de la commune Gihogazi. Nous sommes dans la province de Karusi. Le drame a eu lieu vers 14h de ce dimanche à la maison. L'administrateur communal parle de concubinage comme étant à l'origine de cet assassinat. Les 2 époux étaient mariés légalement et avaient déjà fait ensemble 5 enfants. Blaise Pascal Kararoumié pour plus de détails. Glorieux Sandaï Keza a été tué à coups de machette par son mari, comme l'indique la police, à la colline Ruyaga de la commune Gihogazi, en province Karusi. Selon l'administrateur communal de Gihogazi, cette mère de 4 enfants serait victime du concubinage. Il explique que son mari, Manirakiza Emmanuel, avait amené une 2e femme. L'administrateur communal a affirmé que cette 2e femme, qui est même la petite sœur de la victime, venait d'être chassée et remise à sa famille par l'administration. Emmanuel Manirakiza a été appréhendé et arrêté par la police de Gihogazi ce jour même de dimanche et mis au cachot de la police à Gihogazi. Le corps de la victime a été amené ce lundi à la morgue de l'hôpital de Karusi en attendant l'organisation de ses obsèques. Signalons qu'elle fait la 3e femme tuée par son mari au cours de cette même année et les 2 sont de la commune Gihogazi. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Il est 13h à Bujumbura et sur Isanganilo. Une trentaine d'enseignants de la direction provinciale de l'enseignement de Bururi s'inquiètent pour leur avenir. C'est après que le ministère de leur ressort ait déclaré en août dernier qu'il ne les reconnaît pas au bout de 2 ans de service. Le directeur provincial de l'enseignement à Bururi les rassure qu'il suit de près leur dossier. Correspondance de Jean-Pierre Misako. Il s'agit de 26 enseignants embauchés en commune Vianda et 4 autres prestants en commune Mugamba qui sont dans l'impasse après que le ministère de leur ressort leur ait signifié qu'il ne les reconnaît pas après 2 ans de service. Dans une correspondance adressée au directeur provincial de l'enseignement à Bururi en août dernier, depuis lors, ces enseignants, dans une extrême pauvreté, ne savent plus à quel saint se vouer et certains d'entre eux ne sont pas parvenus à tenir, notamment en commune Vianda, et sont rentrés chez eux, découragés par la position du ministère de leur tutelle. Firmé Bouchoumi, directeur provincial de l'enseignement à Bururi, dit ne pas être au courant d'une quelconque désertion au sein de ses enseignants engagés à l'époque par les directeurs communaux de l'enseignement dont les dossiers ont tardé à parvenir au ministère. Il leur conseille plutôt de rester au travail, rassurant que leur question a été soumise au président de l'Assemblée nationale du Burundi lors de sa récente descente dans cette province et qu'une issue favorable sera trouvée car, poursuit Firmé Bouchoumi, ces enseignants ne peuvent en aucun cas être victimes d'une situation dont ils ne sont pas auteurs. Jean-Pierre Misago de Fururi, Radio Isanganiro. Éducation toujours avec cette reprise des cours au centre de formation professionnelle de Kigobe, en mairie de Bujumbura. Après une semaine d'arrêt des cours, les conditions qui avaient été exigées aux élèves, entre autres une nouvelle inscription, ont été abandonnées. Ces élèves avaient arrêté les cours pour réclamer des réformes afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et des éclaircissements sur la valeur de leur diplôme. Plus de 50 hectares d'eucalyptus sont déjà ravagés par des insectes appelés poux d'eucalyptus en commune Moutambo. Nous sommes dans la province de Bujumbura. Les propriétaires des plantations d'eucalyptus dans cette commune déplorent cette situation qui va empirer la pauvreté dans les ménages. L'agronome communal, quant à lui, indique qu'ils attendent l'intervention du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui a promis des produits pour neutraliser ces insectes. Alain Désiré Okayenèze. Le cultivateur des eucalyptus en commune Moutambo indique que des insectes sont en train de ravager leur plantation d'eucalyptus au vu de tout le monde. Ce cultivateur rencontré à Gomvi, une des collines de Moutambo, souligne que les autorités sont au courant de la situation. Les autorités publiques de notre commune sont déjà au courant, puisque même près du bureau communal et de la paroisse, les eucalyptus sont déjà secs. Partout où l'on passe, on constate que les arbres sont dans un état critique. Si la pluie tombe, ces poux commencent à tomber par terre, mais ils continuent à s'observer sur les arbres, à tel point qu'ils se déposent sur toute personne qui passe. Ces cultivateurs de Moutambo demandent une intervention précipitée pour sauver ce qui reste à sauver, car ces eucalyptus constituent leur principale source de revenus, ajoute-t-il. Les eucalyptus sont en voie de disparition alors qu'ils constituaient une source de revenus de la population. Si rien n'est fait dans les meilleurs délais pour trouver des insecticides adéquats, l'espèce d'eucalyptus va disparaître à cause de ces poux. L'agronome communal de Moutambo confirme que ces insectes, dits poux des arbres, ont ravagé plus de 50 hectares. Dikoumana Jean-Marie Vianney indique qu'ils attendent la réponse du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui a promis de mener des études qui déboucheraient sur un produit qui pourrait neutraliser ces insectes. Nous avons constaté qu'il y a des poux d'eucalyptus qui ont attaqué les arbres d'eucalyptus. Donc, 16 poux et 6 les arbres d'eucalyptus. Nous avons constaté qu'il y a une grande étendue qui a été attaquée. Auparavant, nous avons constaté qu'il y a 30 hectares. Maintenant, il y a une étendue de plus de 50 hectares. Nous avons donné le rapport à la direction provinciale d'agriculture et d'élevage et nous avons dit qu'il y a une demande de prédateurs qui peut nourrir ces eucalyptus. Ces insectes qui ravagent les eucalyptus, surtout les anciennes variétés, sont aussi signalés dans les communes de Mukike, Mugongo Manga et Nyabiraba, frontalière à celle de Moutambo. Merci Alain Désiré. Et à Gitega, environ 10 maisons ont été emportées par une pluie mêlée de grêle et de vent au quartier Nyabututsi, urbain et rural. Dans la commune de Gitega, je le disais, Ce dimanche, même un homme a été foudroyé et il est actuellement en train d'être soigné. Les propriétaires des maisons endommagées demandent à l'administration de leur fournir des tôles. Cela étant, le chef de quartier adjoint de Niabututsi rural indique pour qui ils vont demander de l'aide sont constitués d'indigents et que pour le moment, ils vont les aider à reconstruire leur maison. Dogitega, la correspondance d'Arthur Kavabushi. Dès l'arrivée au quartier Niabututsi urbain et rural, le constat était que les propriétaires des maisons emportées par ces pluies rangeaient les tôles qui se trouvaient en désordre par terre. Au quartier Niabututsi urbain, à la sous-colline d'Ikigali, le bilan est de deux maisons qui ont subi les dégâts, alors qu'au quartier Niabututsi rural, à la sous-colline Mumba, le bilan est de cinq maisons, au moment où à la sous-colline Moussegni, le bilan est de trois maisons. À la sous-colline Mumba, un homme a été foudroyé et a été conduit à l'hôpital. Certains propriétaires de maisons endommagées du quartier Niabututsi rural avec lesquels nous nous sommes entretenus, il y a une famille d'orphelins qui habitait dans une maison dont les tôles sont usées. Et même s'ils étaient en train d'essayer de les remettre, ils ne pourront pas résister à une autre catastrophe. Ils demandent à l'administration de leur donner des tôles. Une autre maison est celle d'un vieillard qui demande également à l'administration de lui donner des tôles, mais aussi des gens qui vont les mettre, étant donné qu'il est assez vieux pour monter sur le toit de sa maison. Kiza François est le chef de quartier adjoint de Niabututsi rural. Il fait savoir que la commune ne pourra aider que les indigents et qu'aux autres, ils vont donner un coup de main. Une autre chose qu'il a dite est qu'actuellement, ils sont en train de faire la multiplication des arbres dans les pépinières pour qu'ils soient plantés sur toutes les collines dans le but de lutter contre les catastrophes durant cette période de pluie. Notons que cette pluie qui a emporté les maisons n'a pas du tout épargné les régimes de bananes qui se trouvent actuellement par terre. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Isanganiro. Actualité sportive, la sélection burundaise de football Inhamba Murugamba Senior fait face à un problème sérieux de manque de buteurs. Cette dernière se prépare pour la CECAFA 2016 entre les équipes nationales des pays de l'Afrique de l'Est. Lors du match d'entraînement ce dimanche, les Inhamba Murugamba ont égalisé avec Aigle Noir de Makamba, 0-0. L'actualité sportive avec Evariste Zikomanyanga. Après une semaine de préparatifs des Inhamba Murugamba Senior pour la CECAFA 2016, cette équipe nationale a livré match amical ce dimanche contre Aigle Noir de Makamba, évoluant en première division. Le match s'est soldé sur le score vierge de 0-0, ce qui n'a pas plu les fans de l'équipe nationale. Aigle Noir, c'est une seule équipe non sélectionnée, mais l'équipe nationale, c'est une sélection. Vraiment, beaucoup reste à faire. C'est incompréhensible qu'une sélection égalise avec Aigle Noir. Ceux qui organisent cette équipe ont du travail à faire pour que cette dernière soit renforcée. Sinon, l'on ne pourra rien attendre des Inhamba qui n'ont pas marqué contre Aigle Noir. Le sélectionnaire de l'équipe nationale dit lui aussi avoir constaté que son équipe a des problèmes, surtout au niveau de l'attaque. C'est là où Olivier Ningeko compte focaliser les efforts avant d'entrer dans la compétition, dit-il. Même la semaine passée, on a essayé de travailler les jets réduits, 1-1, 2-2, pour voir justement cette finition. Parce que la finition aujourd'hui, il y a des blocs équipes, si tu as perdu le ballon, il y a toute l'équipe, toutes les 10 joueurs qui sont derrière toi, qui sont en train de couler derrière le ballon. Et c'est pour ça qu'on a insisté sur les duels. Même ici, quand je parlais, j'insistais beaucoup sur les duels, parce que les duels, si vraiment on dirait que nos joueurs ont peur de faire les duels, c'est ça, on va travailler les 1-1 devant le but, et pour justement voir si à la fin, on aura travaillé la finition, on va faire un match, deux matchs au cours de la semaine, pour justement voir si on peut marquer des buts. Jusqu'à l'heure qu'il est, la date d'ouverture de la CECAFA 2016 n'a pas encore été communiquée, de même que le pays qui va abriter cette compétition. Merci Evariste. Toujours dans l'actualité sportive, l'association de basketball de la province Mwaro a débuté son championnat ce dimanche 13 novembre 2016. Dotée de nouveaux organes depuis septembre 2016, cette association comprend 6 clubs masculins et 4 clubs féminins. Cette comme perspective, elle compte organiser un championnat de joueurs de moins de 15 ans pour la promotion de cette discipline. Dionès Gahungu, président de la dite association, demande aux natifs de la province de Mwaro, aux associations privées œuvrant dans la province, de les appuyer pour que le basketball se développe. Il demande également à la Fédération de basketball du Burundi et au Comité national olympique, CENO, de former les entraîneurs et arbitres de basketball. au cours d'un match ce dimanche ayant opposé le club Gassou Modomaro et de Guissosi. Ce dernier a gagné avec un score de 74-50. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Est-ce que je peux la capter maintenant? Site automatique. C'est sur ce site que vous nous suivez en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Au Maroc, des centaines de maires du monde entier se réunissent ce lundi 14 novembre à Marrakech où se poursuit la COP22. Concernant les changements climatiques, au Lesotho, la majorité des députés et ministres frondeurs appellent à la démission du gouvernement et souhaitent former une nouvelle coalition avec l'opposition. Et en Côte d'Ivoire, des pros, Laurent Gbagbo, boycottent les législatives prévues le 18 décembre prochain. Grâce Nyonzima pour les détails. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien FPI, tendance Abdoulahan Sangaré, a décidé de ne pas participer aux législatives du 18 décembre prochain. Les dirigeants de cette aile estiment que les conditions techniques, politiques et sécuritaires ne sont pas encore réunies pour des élections inclusives, transparentes et équitables. Selon le site web de la BBC, Kone Boubacar, porte-parole du FPI, a indiqué qu'il s'agit d'un devoir de cohérence avec l'histoire politique du pays. Le FPI et d'autres partis du Front du Rofi avaient annoncé leur intention de saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour demander l'annulation du référendum du 30 octobre dernier, dont ils avaient également demandé le boycott. Au Lesotho, l'appel à la démission du gouvernement a été lancé par Moignane Moleleki, qui vient de démissionner du gouvernement avec trois autres ministres, en solidarité avec leur collègue limogé jeudi dernier par le premier ministre Pakalita Mosisili. Moleleki est soutenu par une vingtaine de députés de la majorité qui ont démissionné du Parlement. Le ministre démissionnaire propose en outre la formation d'un gouvernement d'union nationale de large ouverture. Au Maroc, des centaines de maires du monde entier se réunissent ce lundi 14 novembre à Marrakech où se poursuit la COP22 jusqu'au vendredi. Ces élus sont venus échanger sur les idées et réfléchir à des solutions pour mettre en pratique les engagements pris à Paris pour lutter contre le réchauffement climatique. Selon RFI, ce sommet est un temps fort de cette conférence climatique car les villes sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et l'Afrique ne fait pas exception. Grâce Nyonzima, c'est par cette actualité internationale que nous refermons ce journal en vous rappelant que trois personnes ont été tuées ce week-end dans des endroits différents et dans des circonstances variées. À Bouvanza, c'est un homme qui a été tué par son frère. À Karouzi, une femme a été tuée par son mari. Et à Tibitoke, c'est un vieillard qui a été décapité par des inconnus. Une trentaine d'enseignants de la direction provinciale de Bururi ne sont pas reconnus par le ministère de l'Éducation nationale après 2 ans de service. Leurs dossiers administratifs auraient tardé à parvenir à l'administration centrale du ministère. Et dans l'actualité sportive, comme tous les lundis, nous avons parlé du football avec l'équipe nationale des Inhamba Murugamba qui connaît de sérieux problèmes dans son attaque alors qu'elle se prépare pour la CECAFA 2016 entre les équipes nationales des pays de l'Afrique de l'Est. Ce dimanche, lors d'un match d'entraînement, les Inhamba ont égalisé avec Aigle Noir de Makamba sur un score de parité 0-0. Merci à vous tous qui avez suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à François Akimana pour la mise en onde. Un bon après-midi.